Chapitre 9. La pipe. Ophélie ne comprit plus rien à rien quand elle reconnut la mère Hildegarde. C'était un mélange si chaotique de graisse et d'eau, de bigoudis et de cigares, elle en fumait deux à la fois, qu'il était impossible de déterminer au premier coup d'œil s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Sa peau, quelle que fût sa couleur d'origine, était aujourd'hui couverte de taches de vieillesse. Comment imaginer un instant que derrière cette apparence momifiée se cachait une architecte de génie, la célèbre conceptrice des sabliers, une femme capable de remodeler l'espace comme s'il était fait en caoutchouc? Seuls ses petits yeux noirs trahissaient par leur éclat intense une intelligence hors du commun. « Je ne suis pas du matin, » grommela la mère Hildegarde d'une voix gutturale au fort accent étranger. « Je suis venu, parce que c'est toi en personne qui m'as appelé, Augustin. » Archibald, madame, Archibald, je vous avais demandé de venir seule. » Ophélie venait aussi de remarquer, avec un battement de cœur plus fort, la petite femme qui accompagnait la mère Hildegarde. Elle était vêtue d'un uniforme de machiniste et coiffée d'une casquette plate qui essayait, en vain, de contenir les boucles sombres de ses cheveux et de dissimuler ses yeux. En vérité, un regard pareil était impossible à cacher. De l'œil bleu électrique ou du monocle noir, il était difficile de déterminer quel côté de son visage était le plus fascinant. Gaëlle. Avait-elle quitté les sous-sols du clair de lune pour voir Ophélie? Quelle folie! Gaëlle n'était pas plus ouvrière de naissance qu'Ophélie n'était noble. C'était une nihiliste, la dernière survivante d'une lignée dont le pouvoir familial permettait d'annuler celui des autres clans du pôle. Son monocle seul permettait de filtrer son mauvais œil, comme elle l'appelait elle-même. Le simple fait de se montrer en public lui faisait courir le risque d'être reconnue et de subir le même sort que sa famille. Ophélie aurait voulu la supplier d'arrêter de rentrer la tête dans les épaules et de pencher la visière sur ses yeux. C'était une véritable invitation à la dévisager. « C'est ma petite fille, » déclara la mère Hildegarde. « Tout ce qui me concerne la concerne aussi. » Ce n'était pas la première fois qu'Ophélie surprenait cette vieille dame en train de mentir pour protéger quelqu'un. Au sourire sceptique qu'affichait Archibald, elle supposa qu'il avait l'habitude. « Elle pourrait être votre concubine. Cela ne changerait rien au fait que je n'ai pas réclamé sa présence ici. Mais puisque vous êtes là... « Mademoiselle la machiniste, » dit-il à l'intention de Gaëlle, « pourriez-vous vérifier les toilettes du premier étage? On m'a signalé que la chasse d'eau était capricieuse. »« Oui, seigneur, » grommela Gaëlle, avec le même accent que la mère Hildegarde, à croire qu'elles étaient vraiment parentes. Elle s'en fut en rasant les murs, main dans les poches, non sans décocher un dernier regard furtif à Ophélie. Celle-ci comprit le message aussi clairement que si Gaëlle le lui avait soufflé dans l'oreille, à elle de jouer pour tirer renard de ses oubliettes. C'est la petite dont tu m'as parlé au téléphone? Demanda la mère Hildegarde en la fixant de ses yeux noirs. Celle qui se coince dans les miroirs? Archibald posa sur la tête brune d'Ophélie une main possessive, à croire que c'était à lui qu'elle était fiancée, et non à Thorne. Il ne tenait aucun compte des claques furibondes que l'écharpe lui administrait. Madame, permettez-moi de vous présenter la meilleure liseuse d'Anima. Dès que j'ai appris qu'elle venait nous rendre visite, j'ai pensé que ce serait enfin l'occasion de clarifier notre situation. Il prenait beaucoup de soin à choisir ses mots, ce qui rendait Ophélie de plus en plus confuse. J'espère pour vous que ce ne sera pas long, dit la mère Hildegarde en écrasant l'un après l'autre ses deux cigares dans un cendrier sur pied. J'ai travaillé sur les plans du comte Boris jusqu'au milieu de la nuit. « Surtout, ne bougez pas !» murmura Archibald à Ophélie en raffermissant la prise de sa main sur sa tête. La mère Hildegarde ferma précautionneusement la porte à clé, non sans avoir jeté un coup d'œil soupçonneux dans le couloir, puis elle claqua des doigts. Il n'y eut pas un déplacement d'air, pas un mouvement d'éclairage, et pourtant... le cœur d'Ophélie lui remonta dans la gorge aussi brutalement que si elle venait de chuter au fond d'un puits. « Inspirez lentement !» lui dit Archibald en lui ébouriffant amicalement les cheveux. « Ça va passer !» Ophélie considéra son environnement avec une attention nouvelle. Dans la salle de billard, c'était toujours les mêmes étoffes vertes et la même lumière de sous-bois, mais certains détails différaient. Les billes de couleur, rangées dans les poches du billard un instant plus tôt, se tenaient à présent en formation de jeu, comme si une partie venait juste d'être interrompue. L'odeur des lieux aussi avait changé. Elle était fortement imprégnée de tabac froid et pour cause, le cendrier rempli de mégots à ras-bord n'avait pas été vidé. Pourtant, quand la mère Hildegarde y avait éteint ses cigares quelques secondes plus tôt, Ophélie aurait juré qu'il était parfaitement nettoyé. Un doublon. Il se trouvait dans un espace jumeau de la salle de billard. Si troublante que fût la ressemblance, ce n'était pas le même endroit. Ophélie savait que la mère Hildegarde était capable de superposer deux pièces l'une sur l'autre, elle avait d'ailleurs failli une fois rester prisonnière du doublon d'une bibliothèque, mais elle ignorait que l'architecte pouvait effectuer une bascule d'un espace à l'autre sur un simple claquement de doigts. Archibald poussa Ophélie vers un divan sur lequel quelqu'un avait oublié une très jolie pipe en porcelaine. « Je vous présente votre contrepartie, fiancée de Thorne. Lisez-moi cette pipe. Avant que vous ne me posiez la question d'usage, oui, même si je l'ai prêtée à un invité le temps de son séjour chez moi, j'en reste l'heureux propriétaire. » C'était une requête si inattendue qu'Ophélie ne sut plus quoi dire. Elle interrogea du regard la mère Hildegarde. Au milieu de la tête pleine de bigoudis, les petits yeux noirs l'examinèrent en retour. La vieillarde semblait dans l'expectative, comme si elle attendait de voir la jeunette faire ses preuves. Ophélie s'aperçut qu'elle avait elle-même envie de gagner l'estime de cette femme brillante, de cette personnalité insoumise, de cette étrangère qui s'était accomplie à travers sa profession. Elle prit place sur le divan à côté de la pipe en porcelaine. « Vous avez délibérément évité de la toucher depuis qu'elle a atterri ici, n'est-ce pas ? Y a-t-il quelque chose que je dois savoir avant d'entamer ma lecture ?»« Non, » dit Archibald en adressant un signe d'avertissement à l'intention de la mère Hildegarde. « Nous vous donnerons des explications après. Je préfère ne pas vous influencer. » Ophélie examina la pipe à la lumière de la lampe la plus proche. Elle était bien marquée des armoiries du clair de lune. Ses mains libérées de ses gants de liseuse, elle s'en saisit à nouveau et fut aussitôt traversée par une décharge d'émotions si forte qu'il lui fallut reposer l'objet sur sa robe, le temps de se ressaisir. « Ce ne sont pas mes sentiments, » se répéta-t-elle plusieurs fois. « Ce n'est pas moi. » À force de ne plus pratiquer, elle commettait des erreurs de débutante. Elle attendit que ses doigts cessassent de trembler, puis reprit sa lecture là où elle l'avait interrompue. L'anxiété était toujours là, mais Ophélie la contempla cette fois avec du recul, pareille à une spectatrice devant une peinture sombre et tourmentée. Le tabac ne lui faisait plus aucun effet. Elle avait beau en inhaler jour après jour, ou plutôt jour avant jour, puisque les lectures se déroulaient dans le sens inverse du temps, cela ne la calmait plus du tout. Tout ça à cause de deux satanées lettres. Mais elle était à l'ambassade depuis un mois maintenant, et il ne lui était rien arrivé pour l'instant. Ophélie ne devait pas arrêter de fumer. Dès que l'effet du tabac se dissipait, elle revoyait les corps bleuis qui flottaient à la surface du lac. Évidemment, elle ne regrettait rien. Elle n'avait fait que son travail. Des braconniers, ça restait des braconniers. On ne va tout de même pas se lancer dans des procès interminables avec ces gens-là. Le journal a raison, les déchus, c'est comme les cafards. Il paraît qu'ils s'infiltrent partout, en douce, aujourd'hui, dans les murailles, dans les villes, à la citatielle, peut-être même à la cour. À tous les coups, ces lettres ridicules, ça vient d'eux. Ils se prennent pour la justice divine, ces gaillards. La justice, c'est elle, Ophélie. Mais tout va pour le mieux, elle est à l'ambassade depuis hier, elle peut dormir sur ses deux oreilles à présent. Et une petite pipe ne fera pas de tort. Ophélie reposa la pipe sur le divan, son cœur battait la chamade. « Je suppose que si vous m'avez demandé cette expertise, » dit-elle d'une voix un peu tremblante, « c'était pour avoir des informations à propos du dernier utilisateur. Dois-je m'en tenir à lui ?» Assis au bord de la table de billard, les coudes plantés dans les cuisses, Archibald l'observait avec une curiosité amusée. « Vous ne ressemblez plus du tout à une petite fille quand vous prenez vos airs professionnels. Oui, vous pouvez vous arrêter là. » Ophélie essaya de ne pas trahir son émotion personnelle tandis qu'elle reboutonnait ses gants sur chaque poignet. Cette lecture l'avait chamboulée. « Vous pouvez parler à votre aise devant Madame Hildegarde, » assura Archibald comme elle hésitait. Après tout, sa réputation est autant en jeu que la mienne dans cette affaire. » La mère Hildegarde émit un ronflement dont il était difficile de savoir si c'était un rire ou un soupir. « C'est assez délicat, » dit Ophélie. « Vous êtes peut-être le propriétaire de cette pipe, mais qu'est-ce qui me garantit que vous n'allez pas vous servir de ce que j'ai lu pour porter préjudice à celui qui l'a fumé ?»« Ce n'est pas pour lui porter préjudice, » promit-il avec son calme imperturbable. « Vous savez que je ne mens jamais. Je vous écoute. Qu'avez-vous à m'apprendre ?»« De toute évidence, ce monsieur était extrêmement anxieux. Il n'avait pas la conscience tranquille et c'est pour cette raison qu'il vous a demandé asile ici, au clair de lune. Il craignait, eh bien, des représailles. » « Impressionnant !» murmura Archibald avec des yeux mi-clos de chat. « Avez-vous appris de qui il avait peur et pourquoi ?»« Il serait peut-être préférable que vous lui posiez la question directement. » « Ophélie, je ne vous le demanderai pas si ce n'était pas important. » Entendre son prénom dans cette conversation sonna faux aux oreilles d'Ophélie. Jusqu'à présent, elle avait toujours été pour Archibald la fiancée de Thorn. Se mettait-il enfin à la prendre au sérieux ou essayait-il de jouer la carte sentimentale de toute façon? Entre aider Renard à quitter ses oubliettes et protéger la vie privée d'un criminel, Ophélie n'eut pas à tergiverser longtemps. Des braconniers. Des déchus. La mère Hildegarde émit un sifflement appréciateur. C'est vrai qu'elle est douée, la petite liseuse. Vous le saviez déjà? S'étonna Ophélie. Je prends un soin méticuleux à me renseigner sur mes invités, dit doucereusement Archibald, toujours assis au bord du billard. Je savais que celui-ci s'était comporté comme un malpropre avec des déchus. Et je savais que son acte était suffisamment grave pour qu'il craigne pour sa vie. Pourquoi m'avoir demandé cette lecture, alors? Pour répondre à une question toute simple. Que faisait exactement mon invité avant qu'il ne laisse sa pipe sur ce divan? Ophélie fronça les sourcils. Pour répondre à cette question, il fallait qu'elle se remémorât sa première impression au moment de commencer sa lecture. J'ai ressenti une forte agitation tout au long de son séjour chez vous. Ce monsieur fumait beaucoup pour se calmer les nerfs, mais il trouvait le tabac de moins en moins efficace. C'est cela, sa dernière pensée. Le tabac ne lui suffisait plus. Et c'est tout? Et c'est tout. Voilà qui est contrariant. Pourquoi? Archibald échangea un regard entendu avec la mère Hildegarde avant de revenir à Ophélie. « Parce que vous venez peut-être de lire les derniers instants du prévôt des maréchaux. » Ophélie écarquilla les yeux. « Votre invité disparu ? » réalisa-t-elle soudain. « C'était donc lui. » « Le vieux seigneur ne manquera à personne, » ricana la mère Hildegarde. C'est à cause de Han, comme lui, que cette arche est pourrie jusqu'à la banquise. Son accent caractéristique lui faisait prononcer le G de Jean à la façon d'un raclement de gorge. « Madame Hildegarde, » dit Archibald avec un sourire angélique, « je vous ai demandé de garder pour vous vos commentaires personnels. » Ophélie considéra sous un tout nouvel angle la jolie pipe en porcelaine abandonnée sur le velours vert du divan. « Cet invité, monsieur le prévôt, il a été tué ?»« Nous l'ignorons, » répondit Archibald avec un hoquet d'épaule. « Il a été vu pour la dernière fois par son valet, il y a 2 semaines, assis sur ce divan, en train de fumer la pipe. L'instant d'après, il n'y était plus, disparu, sans laisser de traces. Peut-être est-il parti de son plein gré, sur un coup de tête, mais... son valet ne semble au courant de rien. Vous comprendrez que, si des malfaiteurs ont pu s'introduire chez moi et enlever un de mes invités au nez et à la barbe de mes gendarmes, ça porte gravement atteinte à l'honneur de ma famille, ainsi qu'à celui de l'architecte qui devait faire de l'ambassade une place Inviolable ? Ajouta-t-il avec un clin d'œil complice pour la mère Hildegarde. Nous avons eu l'idée de poser une salle jumelle par-dessus celle-ci, le temps de l'enquête. C'est quand même plus discret que de condamner la porte, et ça limite les commérages. Heureusement pour nous, Monsieur le Prévôt n'a pas de proches qui pourraient ébruiter l'affaire. Il y avait des lettres, murmura Ophélie d'un ton pensif. Des lettres que Monsieur le Prévôt a reçues et qui l'obsédaient. Des lettres de menaces. Ophélie se sentit glacée rien que d'en parler. Pourquoi cet homme avait-il pensé à une justice divine? Était-il possible que l'auteur de ces lettres fût la même personne que celui qui lui avait demandé de quitter le pôle? Dieu ne veut pas de vous ici. Non, elle se montait sans doute la tête. Entre punir un homme d'avoir assassiné des braconniers et empêcher une femme de se marier, il n'y avait absolument aucun rapport. « Il m'a déjà parlé une fois de ces lettres, » confirma Archibald. « Mais il s'est bien gardé de me les montrer. Je suppose qu'il les jugeait embarrassantes. »« Ça confirmerait l'hypothèse de l'enlèvement. » La mère Hildegarde claqua des doigts et Ophélie fut saisie d'un nouveau tournis tandis que les lieux changeaient subtilement d'apparence. Les billes colorées avaient disparu du billard pour regagner les poches latérales, la queue était sagement rangée parmi les autres dans leur atelier et il n'y avait plus de pipe en porcelaine sur le divan. Ils étaient revenus dans la première salle. « Tu devrais y réfléchir à deux fois avant de leurrer un officier véreux, Augustin. » grommela la mère Hildegarde. Si tu avais un peu de fierté, c'est aux déchus que tu accorderais ta protection. Des gars qui connaissent le vrai froid et la vraie faim. Vous n'êtes pas une philanthrope non plus, rétorqua Archibald. Vous ne les distribuez pas gratuitement, vos agrumes et vos épices. Ophélie savait qu'il existait en effet une rose des vents très spéciale, quelque part au clair de lune. Ce raccourci enjambait des milliers de kilomètres et permettait de relier le pôle à l'arche natale de la mère Hildegarde, Arcanterre. Tout ce que le garde-manger de la cour possédait d'exotique provenait de là. « Comme si j'avais le choix !» ricana la mère Hildegarde. « C'est ton régisseur qui possède la clé de ma rose des vents. » « Mon régisseur, comme vous dites, madame, a intégré l'ambassade sur vos recommandations. » La mère Hildegarde se fendit d'un sourire énigmatique. « Un de ces jours, Augustin, il se pourrait bien que ma famille referme le passage et que je file à l'Arcadienne. L'air du pôle me convient de moins en moins, ça pue trop l'arrogance par ici. » Sur ces mots, elle déverrouilla la porte et s'en fut d'un pas claudiquant. Ophélie la vit rejoindre Gaël, qui l'attendait déjà dans le couloir, la visière de sa casquette toujours penchée sur ses yeux, sa combinaison éclaboussée d'eau sale. « Pourquoi Madame Hildegarde vous appelle-t-elle Augustin ?» demanda Ophélie une fois qu'elles furent parties. Les mains enfoncées dans les poches de son pyjama, Archibald contempla songeusement les vestiges de cigares dans l'élégant cendrier sur pied. « C'est le nom de mon arrière-grand-père. Il paraît que je suis son portrait craché, et je crois qu'ils ont connu autrefois une petite amourette. Madame Hildegarde est une très vieille dame, vous savez. Elle maîtrise l'espace sur le bout du doigt, mais le temps, c'est une autre affaire. » Archibald soupira si fort que les cheveux blonds qui lui tombaient sur le visage voltèrent dans tous les sens. Il n'empêche qu'elle devrait vraiment tenir sa langue. Elle a l'art et la manière de se faire des ennemis. Moi, je peux me permettre d'être provocateur, mais elle, qui la défendra le jour où elle aura de sérieux ennuis? Archibald se tut, et dans le bleu de ses yeux, une ombre passa comme un nuage. Ophélie se demanda comment cet homme s'y prenait pour être si horripilant et si désarmant à la fois. « Et Thorne, que lui avez-vous fait pour qu'il vous déteste à ce point ?» Quand Archibald se tourna vers elle, son haut de forme redressé d'une chiquenaude, son regard avait retrouvé son éclat estival. « Il est l'incarnation de l'ordre, et je suis celle du chaos. Cela répond-il à votre question ? Il vous a tout de même accusé d'avoir nui à sa tante, dit Ophélie en se rappelant la conversation mémorable qu'ils avaient eue juste après le massacre des dragons. « Oh, ça !» En quelques gestes rapides, Archibald s'empara d'une queue de billard et disposa trois billes sur le beau tapis de table. « Vous commencez à me connaître un peu, Ophélie. J'ai l'esprit de contradiction. Il suffit qu'on me pose un interdit pour que je veuille le transgresser. » « Quel rapport avec Bérénilde ?» s'étonna-t-elle. « Il est évident, voyons. La préférée de Farouk. Une femme magnifique, dangereuse, fidèle en amour. Elle est le fruit interdit par excellence. J'étais très jeune à l'époque. Je n'ai pas pu résister. J'ai un peu forcé sur mon pouvoir de transparence, avoua-t-il en tapotant placidement son tatouage frontal. Bérénilde était si absorbée par moi qu'elle a négligé la tour pendant une semaine. Farouk n'a pas apprécié, et, histoire de faire bonne mesure, il l'a dispensé d'y monter pendant une année. Bérénilde a failli ne pas se relever de cette humiliation. Son cher neveu m'en rend responsable. À juste titre, d'ailleurs. Archibald fit glisser la queue de billard entre deux doigts, et la bille blanche en projeta une de couleur rouge dans un trou. Le bruit de la collision résonna avec une netteté si parfaite qu'Ophélie eut l'impression de quitter brutalement un état hypnotique. « N'allez pas croire que je n'ai aucun regret, » reprit Archibald tandis qu'il envoyait une autre bille dans un trou. « Cette affaire est allée loin. Thorne s'est avéré encore plus inconséquent que je ne l'ai été moi-même. Il m'a attaqué, devant des témoins. À coups de poing, et à coups de griffes. J'en ai gardé deux belles cicatrices. » Ophélie avait vraiment du mal à imaginer la scène. Thorne perdait rarement son sang-froid et il n'avait jamais levé le petit doigt pour sa tante. Le geste le plus affectueux qu'Ophélie avait surpris entre lui et Bérénilde, c'était quand il lui avait tendu la salière à table. Un bâtard, qui plus est fils d'une déchue, ne doit pas s'attaquer à une personne de haute naissance, conclut la voix d'Archibald par-dessus un nouveau carambolage de billes. Quand bien même ce serait pour venger l'honneur d'un membre de sa famille, je n'ai pas porté plainte, de peur qu'il soit envoyé en prison. Mais il a reçu un avertissement formel du tribunal. La prochaine fois qu'il lève la main sur un noble, ce sera la mutilation. Archibald prononça ce dernier mot en imitant un coup de ciseau avec les doigts. La mutilation. C'était l'ultime punition, celle où un esprit de famille reprend son pouvoir à l'enfant qui en a fait mauvais usage. Cette sentence n'avait jamais été appliquée sur Anima, mais Ophélie savait qu'on la pratiquait sur d'autres arches. On lui avait toujours dit qu'une personne n'était mutilée que si elle mettait sa famille entière en danger. Pourquoi fallait-il donc que chaque chose fût à ce point excessive ici, au pôle? À force de vivre à l'autre bout du monde, loin des autres familles, perdait-on tout sens de la mesure? Je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus, songea Ophélie, que je ne m'y habitue jamais ou que je finisse au contraire par m'y faire. Monsieur! Elle tressaillit en entendant la voix impersonnelle de Philibert juste à côté d'elle. Le petit homme terne se tenait dans la salle de billard, son registre sous le bras à croire qu'il était là depuis toujours. Habitué aux apparitions subites de son régisseur, Archibald ouvrit tranquillement une tabatière et aspira la poudre par chaque narine. Quand il sortit un mouchoir de sa manche, Ophélie s'aperçut qu'il était aussi troué que son chapeau et son pyjama. « Alors, Philibert, ce valet ?» Pour toute réponse, le régisseur fit un signe en direction de la porte. Deux gendarmes amenèrent un homme voûté dans la lumière des lampes. Ils le soutenaient chacun par un bras, tant ses jambes vacillaient sous son poids. Ophélie crut que son cœur venait de lui tomber tout au fond du ventre. Le renard qu'elle connaissait était une flambée de cheminée. Cet homme-là évoquait un tas de cendres. Elle dut chercher longtemps la trace d'un regard au milieu des épis de barbe hirsute, mais quand elle le trouva, elle n'eut plus aucune hésitation. C'était bel et bien un renard. « Vous auriez dû le laver avant. » grimaça Archibald en appuyant son mouchoir troué sur son nez. « Ils sentent extrêmement mauvais. Je ne peux décemment pas offrir ça à une dame. Allez en chercher un autre. » « Notre accord impliquait mon expertise et cet homme, » dit Ophélie d'une voix ferme. « Ne revenons pas sur ces clauses, si vous le voulez bien. » Perplexe, Archibald se contenta d'enfoncer ses mains dans ses poches de pyjama et d'observer d'un air amusé le doigt qui pointait hors d'un trou. « J'ai quelquefois du mal à vous suivre. Mais si c'est là votre désir, qu'il en soit ainsi. Vous comprendrez cependant que je ne peux vous livrer la marchandise dans cet état. Il y va de l'honneur de l'ambassade. Philibert, veillez à ce que cet homme soit lavé, rasé, épouillé, coiffé et habillé convenablement. » « Bien, monsieur. » « Pendant ce temps, ma chère, vous êtes mon invité, » dit Archibald en offrant à Ophélie son sourire le plus tape-à-l'œil. « Avez-vous déjà joué au croquet de salon ?» Ophélie comprit que cette ultime condition ne serait pas négociable et qu'elle devrait se mordre la chair des joues quelques heures encore. Elle se fit la promesse solennelle que, une fois Renard arraché de cet endroit, elle enverrait le manteau de sa mère dans la chambre personnelle d'Archibald. « Un instant, je vous prie, » demanda-t-elle alors que les gendarmes s'apprêtaient à emmener Renard. Ophélie s'approcha doucement de lui, mais il continuait de promener dans la salle de billard un regard déboussolé. Elle crut au début que Renard ne la reconnaissait pas, après tout. Il ne l'avait contemplée sous sa véritable apparence qu'une seule fois, et il ignorait alors qui elle était. Mais elle finit par comprendre qu'il ne la voyait tout simplement pas. À force d'être privé de lumière, il était aveuglé par les lampes. Renard ne voyait rien, ne comprenait rien, et personne ne se donnait la peine de lui expliquer la situation. Ophélie luttait contre l'envie de lui crier qu'elle était mime, qu'il n'avait plus rien à craindre, et qu'elle lui rendrait la dignité qu'on lui avait volée. « Bonjour, Reynold, » dit-elle à la place, consciente d'être au croisement de tous les regards. « Je suis la fiancée de M. Thorne, et vous travaillerez désormais pour moi. Je vous fournirai de plus amples explications tout à l'heure. » Au milieu des broussailles de la barbe, des cheveux et des sourcils, les paupières de Renard battirent plusieurs fois, comme s'il essayait d'entrevoir la personne qui lui parlait à travers la brume. Il y avait une telle stupéfaction sur ces bribes de visage, visibles çà et là entre les touffes sales, qu'Ophélie sut qu'il l'avait enfin reconnue. Elle guetta une étincelle dans le regard, un sourire de connivence ou un soupir soulagé. Mais au lieu de cela, Renard détourna la tête en s'assombrissant tout à fait. « Oui, mademoiselle, » dit-il dans un murmure rauque. Le cœur à l'envers, Ophélie commençait à se demander si elle avait pris la bonne décision.